50 languages. 15. 15. فواكه ومواد غذائية. Fruits et aliments. Fruits et aliments. لدي حبة فراولة. J'ai une fraise. J'ai une fraise. لدي حبة كيوي وشمامة. J'ai un kiwi et un melon. J'ai un kiwi et un melon. لدي برتقالة وحبة جريب فروت. J'ai une orange et un pamplemousse. J'ai une orange et un pamplemousse. لدي تفاحة وحبة مانجو. J'ai une pomme et une mangue. J'ai une pomme et une mangue. لدي موزة وحبة أناناس. J'ai une banane et un ananas. J'ai une banane et un ananas. إني أحضر سلطة فواكه. Je fais une salade de fruits. Je fais une salade de fruits. إني آكل خبزاً محمصاً. Je mange un toast. Je mange un toast. آكل خبزاً محمصاً مع زبدة. Je mange un toast avec du beurre. Je mange un toast avec du beurre. آكل خبزاً محمصاً مع زبدة ومربى. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. آكل سندويش. Je mange un sandwich. Je mange un sandwich. آكل سندويشة مع مارغرين. Je mange un sandwich à la margarine. Je mange un sandwich à la margarine. آكل سندويشة مع مارغرين وبندورة. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. إننا نحتاج خبزاً وأرزاً. Nous avons besoin de pain et de riz. Nous avons besoin de pain et de riz. نحن بحاجة للسمك وشرائح اللحم. Nous avons besoin de poisson et de steak. Nous avons besoin de poisson et de steak. نحن بحاجة لبيتزا وسباغيتي. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. ماذا نحتاج أيضا؟ Avons-nous besoin d'autre chose? Avons-nous besoin d'autre chose? نحن بحاجة لجزر وبندورة للحساء. Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. أين هو المتجر الكبير؟ Où est le supermarché? Où est le supermarché?